Rien du seul, j'ai pas choisi. J'crois que petit génie est béni. J'crois qu'ils veulent mentir. J'crois que Jungle Lee, ils veulent salir. Il va bientôt falloir sévir. J'entends la presse parler sur moi. Les projecteurs braqués sur moi. La femme est jambée. J'les entends dire que j'suis fini. En un son des têtes, j'ai fini. J'ai beaucoup trop donné. Je me dirais que je suis riche le jour où je dormirai sur un lit rempli de billets. Hein. Moi je m'a béni. Y'en a qui pensent en ma baby. Alors qu'ils ont plus de 30 piges. Moi je m'a béni. Que je nous bénisse.